Bélier, côté pro, pour nos amis Bélier, ce sera un mois de développement au niveau de vos activités. Vous avez un beau Jupiter dans votre ciel qui protégera donc ce secteur et vos projets. Même si autour de vous, certaines personnes risquent de vous refuser certains accords, prenez-le comme un signe de changement bénéfique pour vous dans le temps. Côté finance, ce mois est marqué par la pleine lune qui va jouer de ses excellentes influences sur votre budget. Côté sentiments, ce mois d'octobre est essentiellement marqué par Vénus en scorpion rétrograde, ce qui, dans notre langage, signifie un peu plus de recul dans vos relations affectives qui apparaissent souvent sous une forme déstabilisante. Et enfin, côté forme, Mercure est en dissonance avec Mars, ce maillage vous suggère de la détente pour contrer les fluctuations d'humeur liées à votre environnement. Sortez un peu du quotidien et ressourcez-vous le plus souvent possible. Taureau, côté pro, un secteur dominant sur tout le mois d'octobre. L'influence de Mercure dans votre ciel astral montre des capacités étendues d'adaptation et de coordination avec vos collaborateurs ou partenaires. Montrez vos capacités, votre ténacité et ce sera gagné. Côté finance, Jupiter, Saturne et Pluton veillent à vous fournir d'excellentes occasions de renforcer votre budget et font apparaître des opportunités à saisir. Du côté des sentiments, aidés par Vénus, positionnée en scorpion, ce mois est exceptionnel de passion et d'attention que vous serez porté en direction de votre partenaire. Côté forme, c'est Mars en balance qui vous suggère ce mois-ci de vous occuper un peu plus de vous avec douceur et bienveillance. Ceci vous permettra de transmettre aux autres qui vous sont proches une énergie apaisante et lumineuse. Gémeaux, côté pro, après d'interminables variabilités dans ce secteur, ce mois-ci sera bien différent car votre combat va porter ses fruits et la récolte promise sera fructueuse. Vos atouts planétaires, Mars en balance qui ouvre le bal sur une note très optimiste. Côté finance, soyez encore vigilants, ce sont des influences de la pleine lune du 13 octobre qui vous demanderont de veiller au grain côté budget. Attendez plutôt la fin de l'année pour respirer financièrement. Côté affectif, un hymne à l'amour, car Vénus, en scorpion, réveille vos désirs. Ce mois d'octobre sera plutôt porteur de plaisirs partagés avec votre partenaire. Côté forme, il vous est suggéré de vous réconcilier avec vous-même, réconciliation du cœur et de l'esprit, qui vous est vivement recommandé durant tout ce mois d'octobre. Cancer, côté pro, la pleine lune est en bélier, ceci vous annonce des succès retentissants. Un secteur sous d'excellentes influences qui profitent au cancer et vous permettent de marquer des points et d'étendre par le même vos tissus partenariales. De très bonnes perspectives donc. Côté finance, quoi vous dire d'autre que les influences planétaires de Mercure et Saturne vous assurent un ciel lumineux pour ce qui touche à ce secteur. Du côté affectif, une vague émotionnelle importante qui fera des ravages pour nos amis Cancer, sous l'impulsion de plusieurs planètes situées favorablement comme Vénus en scorpion et Mars en balance, tout baigne donc côté sentiment. Côté forme, toutes ces émotions vous donnent de l'amplitude, amis Cancer, vous avez la niaque et votre réalité entraîne la bonne humeur et la bienveillance pour toutes celles et ceux qui gravitent autour de vous. Lion, côté pro, ce sera une révélation pour vous, que vous soyez en activité ou en recherche d'emploi, ce mois apporte son lot de francs succès. Les influences astrales de la nouvelle lune exercent sur vous une influence d'attraction et de réussite. Côté finance, Mercure dans votre ciel vous incite à de la vigilance. Quant à la pleine lune du 13 octobre, elle déclenche des opportunités financières très intéressantes pour vous. Côté affectif et sentimental, il va y avoir de l'évolution propulsée d'un côté par Vénus en scorpion et de l'autre par la pleine lune qui installe un climat en harmonie avec vos exigences. Pour la forme de ce côté-là, vous devez freiner le rythme et ralentir cette énergie qui, si elle n'est pas contrôlée, risque de vous épuiser émotionnellement et donc physiquement à terme. Évadez-vous de temps en temps du quotidien en vous ressourçant le plus souvent possible. Vierge, côté pro, votre situation est stable et s'installe donc tranquillement. Côté finance, grâce à Uranus dans votre poche, ce mois-ci, votre secteur financier évolue dans la bonne direction. Gardez les pieds sur terre et adoptez un brin de patience pour ne pas dépasser vos limites. Côté affectif et sentiments, nos amis vierges sont toujours dans la passion et vont envisager l'avenir en se basant sur du nouveau et du concret. De ce côté-là, votre ciel astral montre que Vénus en scorpion et la pleine lune du 13 octobre apportent énormément de points constructifs dans votre relation avec l'autre. Côté forme, le mental n'est pas votre ami. Il accélère les processus de doute et les angoisses vont bon train. Alors pour améliorer votre équilibre, heureusement, Mercure vient vous porter assistance et vous accompagne vers le lâcher prise. Alors respirez, amis vierges. La vie ne sera belle que si en vous-même vous la cultivez dans le calme, la sagesse et la bienveillance.